Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière émission de cette saison 2024. Je parle bien entendu de la saison NBA puisque nous on va courir cet été. Évidemment, je ne suis pas seul, je suis avec Rémi. Salut Rémi, comment ça va? Yo tout le monde! Bah écoute, ça va, la saison vient de s'achever, je sais pas ce que je vais faire de mon été, j'ai plus aucune raison de vivre. Lâche ce tabouret et cette corde, tout va bien se passer. Ouais, ça va, on va être patient, il va se passer des trucs cet été. Il y a la draft, la free agency, les JO, t'inquiète, ça va bien se passer. Tu vas avoir ta dose de basket. Ouais. Du coup, dans cette émission, nous allons revenir évidemment sur les finales NBA qui viennent de se terminer et le sacre de Boston. On parlera aussi évidemment de Dallas parce qu'il y a quelques petites choses à dire quand même. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe, c'est parti. Et oui, félicitations à Boston qui, bravo, avec cette avance de 3-0, a réussi à concrétiser et à ramener le titre à la maison. Du coup, on s'était quitté sur le 3-0, effectivement, ouais. Et du coup, depuis deux matchs, le Game 4 où réaction d'orgueil de Dallas à domicile avant de potentiellement retourner, enfin avant de retourner à Boston, un match dominé par Dallas de bout en bout, ils ont très vite pris une avance considérable, une volonté de défendre, une volonté de creuser l'écart, de mettre de l'intensité. Et on a eu l'impression sur ce match que Boston, en fait, a presque lâché prise même avant la mi-temps. En gros, ils ont dit ça sert à rien de forcer, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas, dans le contenu, c'était pas vraiment agréable à regarder. J'ai trouvé ça limite, un peu méprisant de la part de Boston. Ouais, parce qu'on sait de quoi ils sont capables. Je pense que Boston a commencé. C'était pas leur vrai visage. Je pense qu'ils ont commencé la rencontre, ils se sont fait un peu surprendre déjà parce que Dallas avait cet orgueil de pas repartir sur un sweep. Ouais, ils avaient le couteau entre les dents, ils étaient à Dallas, donc forcément, c'est toujours un petit plus. Et puis en plus de ça, Boston, je pense qu'ils avaient un genre de on a déjà gagné, donc on force pas. Ils se sont fait surprendre comme ça. Donc il y a déjà 20 points d'écart à la mi-temps, enfin ça part très très vite. Et du coup l'équipe choisit de reposer les cadres. Quitte à prendre une défaite, autant se prendre une branlée, on repose nos mecs. Et puis Game 5, on finit ça à la maison, terminé. Voilà. Ouais, pour résumer, c'est plus ou moins ça. Hein. On a eu un très bon Luka Doncic. Ouais, Luka Doncic et même Kyrie qui signe sa meilleure performance. Game 3 était très solide, mais en tout cas là, c'est dans une victoire, donc on peut peut-être parler de sa meilleure performance. Ouais. 21-6-4 avec des bons pourcentages à part à 3 points, mais bon, les pourcentages à 3 points de Kyrie sur la série, c'est 27%, donc. Ouais, c'est pas okay. En tout cas, il a été très important, et surtout sur un volume de 30 minutes de jeu, parce que du coup, Boston a reposé les cadres, et du coup, Dallas n'a pas voulu insister non plus sur les siens. Donc voilà, Luka 0 sur 8 à 3 points, mais malgré tout, il y a de la création, il y a 12 sur 26 au tir quand même, un peu de lancer, 5 rebonds, 5 assists, 3 interceptions, donc pour un joueur qui défend pas, c'est pas mal. Le banc qui a fait un gros taf, je pense notamment Dante Exum et Tim Hardaway Jr. qui ont apporté les filoches, qui ont apporté les points en sortie de banc, qui ont eu leurs minutes et tout. Donc bien joué de la part de Dallas. De l'autre côté, on a, enfin, j'ai même pas envie de donner des stats, mais voilà, côté Boston, on a 27 minutes seulement de Jason Tatum, Jalen Brown pour défiler l'NBA. C'est vraiment les mecs, on se repose, on verra ça plus tard. Ouais, c'est ça. Quand tu donnes plus de 21 minutes à Peyton Pritchard, c'est que le match il est plié d'un sens ou dans l'autre. Ouais, exactement. Donc voilà pour ce match 4 et du coup Boston reçoit Dallas pour le match 5 et une victoire magnifique de la part de Boston parce qu'à aucun moment ils ont vite pris une avance de 10-15 points, ils l'ont jamais lâché. Il y a 18 points d'écart à la fin du match, le ressenti c'est même 25 hein. Ouais, donc, le ressenti c'est même 50 hein. Ouais, sur la série au global, t'as peut-être raison. En tout cas, le match, il est maîtrisé de fou. Déjà, dès le premier quart-temps, on avait dit comme quoi c'était un truc qui fallait faire peur. Enfin, il y avait pas mal de gens qui soulignaient le fait que Boston avait un peu de mal en premier quart et du coup, il fallait éviter de se faire peur là-dessus. Là, Game 5, ils ont tout corrigé dès le premier quart. Déjà, tu prends l'avance qu'il faut. Je sais pas, il doit y avoir 10 points d'écart. Il y a 28 à 18, je crois, quelque chose comme ça, au premier quart. Tu prends l'avance qu'il faut bien, et puis en fait, après, juste tu gères le match de bout en bout comme ils l'ont fait toute la saison. Tu contrôles, tu gères, et voilà. C'est ça. Sachant que Tatum a retrouvé son niveau de scoring incroyable sur ce match. On en parlera plus généralement de sa série après, mais il finit quand même avec 31 points, 11 passes et 8 rebonds. Il finit en beauté. 45% au tir. Alors, 1 sur 7 à 3 points, est-ce que c'est vraiment grave? Non. La réussite à 3 points, c'est pas. On sait qu'il est maladroit. Non, pas du tout. Et on sait qu'il est maladroit depuis le début des finales. Des playoffs. Oui, c'est vrai que des playoffs aussi. Il a fait des gros matchs, mais dans les playoffs, dans son ensemble, on a vu un meilleur Tatum. Enfin, je veux dire, individuellement, en tout cas. Ouais, c'est ça. Il a été très très bon dans la création, dans la défense et tout. Il n'y a rien à redire, mais au scoring, le ballon avait du mal à rentrer, quoi. Mais a priori, c'est pas ce qui dérange Boston, parce que même quand Tatum a un peu du mal, on l'a bien vu, tu gagnes 3-1 dans la série, alors que Tatum score pas de son mieux. Et en fait, limite, c'est quand même facile, parce que t'as quand même tout ce qu'il faut autour pour gérer. C'est clair. Complètement d'accord avec ça. Porzingis qui a tenu à jouer ce match 5. Bon, ouais. Il a rapporté 16 minutes. Il fait figurant un peu, parce que on sait qu'il est blessé et qu'il va passer sur le billard cet été. Mais au moins, il a pris part à la victoire. Ouais, c'est et, ça. Et globalement, on va pas rester sur les stats très longtemps parce qu'en fait, la décision était déjà faite. On savait que Boston allait s'imposer et ils l'ont fait à la maison. Le stade était en folie. Le TD Garden, c'est un endroit magnifique pour tous les fans de basket, je pense. Ouais, super ambiance. Ça a été magnifique. Très belle anecdote aussi. Kyrie, quand il sort et qui sait qu'il va pas rentrer à 2 minutes de la fin, qui va checker tous ses anciens coéquipiers, tous les joueurs de Boston pour les féliciter. J'ai trouvé ça super cool. Parce que même si Kyrie, on sait qu'il a été décevant sur ses finales, il n'a pas été au niveau du tout. Mais en tant qu'ancien joueur de Boston, c'est bien de garder un peu ce respect, etc. Sachant que c'est ses anciens coéquipiers, c'est assez cool. Donc, pour le coup, il n'y avait pas photo en fait. Ouais, voilà. Et il y a aucune animosité entre Irving et les mecs de Boston. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais du coup, ouais, ça c'est une belle image qu'on a pu voir aussi. D'ailleurs, on peut aussi dire que c'est pas Tatum du tout qui est MVP des finales, mais bien Jaylen Brown, et c'est totalement mérité. Absolument. Alors sa déclaration comme quoi il est avec Jason Tatum depuis le début et que de toute façon ce trophée il le partage machin. La vérité c'est que dans cette campagne de playoffs et dans ces finales NBA, on a eu un changement de rôle entre guillemets entre ces deux-là. Où Jaylen Brown s'est beaucoup plus occupé du scoring, mais tout autant de sa défense. Et là où Tatum, on a apprécié, c'est que défensivement, je trouve qu'il a encore step up, alors qu'il était déjà impressionnant. Mais surtout, ce qui m'a fait vraiment kiffer, c'est que même s'il ne met pas beaucoup de points en termes de création, il n'a jamais été aussi fort. Tu parles de Tatum ou Jaylen Brown? Oui, Tatum. Tatum. Okay. Je suis passé sur Tatum. Okay. Et Tatum à la création, c'est dingue en fait. Ce qu'il a fait sur ses finales NBA, c'est monstrueux. Le nombre de matchs qu'il tourne à 10 passes ou plus, et même il est à plus de 7 passes de moyenne sur au moins sur les finales, mais sur l'ensemble des playoffs, je sais pas, faudrait que je trouve la stat. Mais en tout cas, ouais, son niveau à la création, à décaler vers les mecs à l'extérieur, etc. A vraiment step up et c'est pas surprenant vu le niveau qu'il y a à Boston, mais n'empêche qu'il le fait bien et je suis d'accord, faut tirer son chapeau. 22 points, 8 rebonds et 8 passes décisives de moyenne pour Tatum sur les finales. Sur les finales ? Ouais. Enfin, je trouve playoff, mais. Est-ce que je peux trouver ça là ? Après, sinon on trouvera ça après. En tout cas, Jaylen Brown, entièrement mérité, je trouve, son trophée de MVP des finales. Et j'aime beaucoup les discours qu'ils ont eus, autant Tatum que JB, l'attitude, tout. Parce qu'il y en a beaucoup qui essaient de leur tirer dessus. Et d'ailleurs, moi, j'étais le premier à le faire. Bon, cette année, je trouvais que ça allait mieux, mais dans les années précédentes, j'étais le premier à le faire. Comme quoi, on sentait qu'il y avait une sorte de rivalité, ouais, qu'il y avait un ego un peu malsain entre les deux, de « c'est moi le franchise player, non, c'est moi », etc. Et du coup, il y avait une alchimie qui n'était pas saine. Au contraire, là, je pense que les mecs ont... S'ils avaient des problèmes auparavant, si c'était le cas, je pense qu'ils ont réussi à ranger tout ça et qu'aujourd'hui, c'est très sain et qu'il n'y a aucun souci avec le fait que c'est Brown qui chope le MVP des finales, il félicite son frérot. Je pense qu'il n'y a absolument aucun souci avec tout ça et que c'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont champions. Hein. Mais oui, c'est clair. Parce que du coup, il y avait une tension entre les deux. Parce que si tu te rappelles bien, dans les playoffs derniers, il y avait Marcus Smart qui avait fait une réunion après le premier match perdu. Il avait jeté une chaise dans le vestiaire. Ouais. En mode, les gars, vous pouvez pas vous comporter comme ça si vous voulez qu'on aille loin. Bon, ouais. Marcus Smart n'est plus là cette année. Mais en fait, les gars, ils ont retenu cette leçon-là en mode, en fait, si on veut monter sur le toit de la NBA, il n'y a pas le choix, il faut qu'on se serre les coudes et pas qu'on se tire dessus. Donc, du coup, on Ouais, l'a vu, suivant complètement. la série ou suivant les matchs, les gars s'adaptent. Les deux s'échangent le scoring. Après, il y en a un qui, ça va être plus une mission défensive. On a vu Jaylen Brown qui, tant que Luka était sur le terrain sur le match 5, il n'a pas voulu sortir pour défendre sur lui d'homme à homme. Et quelle Et défense ça... d'ailleurs? Défense incroyable, évidemment. Hein. De toute façon, la défense des Celtics sur ces finales, bon, si Kyrie a beau être un monstre offensif, on a vu qu'il a été. Il a été calmé et c'est pas c'est enfin c'est tout le crédit revient aux Celtics. Enfin bref, ouais, c'est vraiment des rôles qui se sont échangés, partagés et ça fait plaisir de voir les Celtics et c'est un fan de Philly qui dit ça. Hein, de voir les Celtics jouer comme ça et surtout en fait moi ce que j'aime beaucoup dans ce genre d'équipe, c'est que c'est des équipes qui se sont build via la draft et qui en fait ont eu leurs expériences, leurs échecs, qui ont construit autour de ça, avec l'arrivée notamment de Derrick White qui est arrivé de San Antonio, qui était indésirable, l'arrivée de Jrue Holiday cet été, Qui n'était qui pas est aussi indésirable, mais un... qui a été lâché pour récupérer une star, C'est ils ont peut-être pas ça, et tout du sur coup, ils ont... l'opportunité. C'est clair. Et surtout, bah, en fait, Porzingis. le step-up, il est monstrueux, parce qu'en fait, j'adore Marcus Smart, mais Jrue Holiday a deux Marcus Smart dans chaque poche, quoi. Ouais, Marcus Smart a un dipole, il n'est pas joué l'idée, hein, Oui, mais mais ouais. défensivement, il n'a pas eu le trophée, mais tu sais que défensivement, il fait au moins ce que fait Marcus Smart. Il fait la même chose, sachant qu'il est un peu plus grand, un peu plus tanké, donc en vrai, il peut défendre sur davantage de postes, sur davantage de rôles. Et il a plus de vision de jeu, il est plus propre. Non, non, Et ça n'a rien à derrière, voir. il peut scorer, il peut gérer le tempo, et voilà, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Derrick White aussi fait ça très très bien. Ouais. La défense, enfin, les playoffs entièrement de Derrick White, défensivement, bah, d'ailleurs, c'est récompensé dans la saison, il est All Defensive Second Team, c'est entièrement mérité. Et puis derrière, ce qu'il t'apporte dans ses pourcentages, dans ses shoots, dans les choix. Bah ouais, il En manque fait, ce pas qui la est. balle. Ouais, c'est ça, Il exactement. T'as va que te des mettre mecs. 8 points à 45, enfin à 75% au tir. Et en fait, le match d'après, il t'en fout 18 parce qu'il a eu un peu plus de tirs et qu'il a mis dedans. Et le gars se plaint pas, il demande pas. Enfin, Ouais. c'est incroyable ce genre de Et je joueur. pense que des mecs comme ça, là, comme Holiday et Derrick White, ça aide aussi à ce que la relation entre Jalen Brown et Jason Tatum se soit assainie avec le temps. Parce qu'en fait, t'as des glue guys autour de toi qui font juste en sorte que tout se passe bien Ouais. sans pousser dans la rivalité ou autre, tu vois. Yes. Et ces glue guys là, ces vétérans font que ça colle. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Donc ouais, c'est une réussite collective et ça, pour le coup, c'est le genre de story qu'on aime voir en NBA. C'est pas une super team qui se construit en une année et qui va gagner le titre. C'est vraiment plusieurs années de travail. Donc félicitations à Brad Stevens pour avoir build cette équipe et Joe Mazzulla aussi c'est mérité parce que on se rappelle qu'en finale 2022, il s'était fait out coach. Par Steve Ouais. Kerr et on avait commencé à tirer dessus. Là, il a montré cette année que déjà sur la saison régulière, ils étaient trop forts. Et en plus de ça, sur ses playoffs, il a été monstrueux. C'était Mazula en 2022 en finale? C'était déjà Mazzulla, je crois, non? Ah ouais, je sais plus. C'était pas Ah, c'était peut-être Ime Udoka, t'as peut-être raison. Udoka, ouais, il me semble. Hein. Il me Ah non, semble mais que c'est du un. coup, Je non, crois que. c'est l'année dernière qu'on lui avait craché dessus par rapport Ouais. au hit. Par rapport au hit. Ouais, Et absolument. c'était Eric Spoelstra qui l'avait outcoach. My bad. Merci de m'avoir repris. Mais du coup, ouais, ce groupe des Celtics n'a pas fini, en tout cas, de nous régaler parce que l'année prochaine, à part Luke Cornett et deux joueurs qui jouent à peine, bah, t'as tout le monde qui est encore sous contrat. Donc en fait, l'objectif maintenant des Celtics, c'est d'aller réaliser un back-to-back. Donc, ils vont célébrer certainement, mais il va falloir rester au charbon. Il y a Jrue Holiday et Jason Tatum qui vont au JO. Jaylen Brown, lui, n'y sera pas. Mais du coup, je pense que l'année prochaine, il va falloir compter sur Boston pour défendre son titre, au vu de ce que contractuellement, ils ont encore tout le monde, quoi. Donc, c'est génial. Il y a de très grandes chances, oui, absolument. En tout cas, pour cette campagne de playoff et même pour la saison régulière, il y a un seul mot qui ressort, c'est clairement domination, domination totale. Ah bah Tu oui. finis la saison avec 64 victoires, donc magnifique saison, et en playoff, tu perds seulement 3 matchs. Ouais, c'est monstrueux. C'est Tu perds monstrueux. 3 matchs, dont un en finale qui est. Je vais pas dire qu'il est donné, mais voilà, c'est un contexte T'as pas où. lutté. T'as pas Ouais, lutté. c'est ça. Et tu donnes le match, quoi. Il n'y a pas de souci, les gars, prenez-le. Ouais, c'est donc c'est clair. Domination totale, très très fort, vraiment. Boston, chapeau bas, et fêtez votre titre comme il faut. Yes, hâte de voir des petites images de ça. Sachant que la parade à Boston risque d'être incroyable, hein, parce que Boston, ville très sportive, ça va être des bons moments à suivre aussi, ça. J'ai vu pas mal de tweets comme quoi il y a les fans des Lakers qui pleurent pour deux raisons. Déjà, pour la première, parce qu'ils ont pu à égalité le record du nombre de titres. Ouais. Donc Boston passe à 18, les Lakers sont à 17, hein, en total de bagues cumulées. Et surtout parce que du coup, Boston, ils ont les titres 8 et 24, qui, bah, voilà, qui fait un peu mal au cœur côté Lakers. J'avoue. Vu que t'es un petit fan de Kobe, toi aussi, ouais, je vais mettre la sorte. Écoute, ouais, tu peux. Écoute, c'est un hommage. non, mais en vrai, ouais, félicitations à Boston. Je pense qu'il faut qu'on passe aussi sur Dallas parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été. Alors, on va pas revenir sur tout ce qu'on avait dit dans l'émission précédente au niveau de la défense de Luka, etc. Moi, je trouve vraiment qu'en fait, on n'a pas eu un Kyrie au niveau sur ces finales. Ouais, alors je sais, je pense pas que ce soit les finales NBA qui ont fait qu'il était pas au niveau. Je pense que c'était plus Boston en fait qui ont réussi à bloquer en ce moment Kyrie Irving. Ah, c'est clair. Et que du coup, il était pas dans son élément. Donc ouais, dommage de voir un Kyrie bah, clairement en deçà de ses capacités dans ses finales NBA. C'est con parce qu'il avait fait des playoffs incroyables. Bah par contre le reste des playoffs est top. Ouais. Et même bah, pour Dallas ouais c'est ça. En fait Dallas en finale c'est un peu compliqué déjà parce que bah c'est un groupe qui connaît pas les finales, donc c'est un manque d'expérience. Il y a que Irving dans le groupe qui a déjà été en finale. Les autres il y en a qui ont fait une apparition en finale de conf avec Dallas, mais encore à part Luka, il y en a assez peu du groupe qui y étaient. Et puis physiquement c'est compliqué, on a bien vu Luka Doncic comme quoi il avait beaucoup de mal là physiquement à tenir jusqu'en finale NBA, donc on va pouvoir travailler là-dessus pour Luka, je pense. Ouais. Ça va être un axe super important parce que déjà ça a fait pas mal parler comme quoi il avait de douleurs partout, des petites blessures, etc. Donc ça je sais pas trop ce qu'il en est, mais surtout on a bien vu que physiquement il avait pas le niveau pour tenir toute une saison plus les finales, plus tous les playoffs. Bah oui, on l'a vu à la limite physiquement, c'est clair. En plus, c'est vrai que le parcours qu'ils ont eu sur la conférence Ouest et sur ses playoffs à l'Ouest, ça n'a pas aidé parce que, enfin, tu vois, on parlait notamment de dans l'émission précédente de Boston qui a l'autoroute du titre qui est faite pour eux parce que, comme tu l'as dit, ils ont perdu que 3 matchs et puis en fait, à chaque fois qu'ils ont affronté quelqu'un, c'était blessé. Non, je trouve que en fait faut pas se réfugier derrière ça, mais il y a aussi le fait que t'as plus galéré à arriver en finale, tu t'es plus donné et quand t'es pas prêt physiquement, parce qu'il y a ça aussi en fait, c'est que Luka il est pas prêt. Ouais. Le gars il a quelques kilos à perdre, c'est certain, pour être en forme. Il va falloir qu'il se donne bien plus. Bah oui, c'est clair. Pour avoir la capacité physique d'être bon jusqu'au dernier match des finales, quoi. Ouais. Ouais, complètement. Et encore, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de Game 7 ou ce genre de truc, parce que sinon ça aurait été encore plus compliqué. Ouais. Et pour revenir sur Luka, ouais, physiquement, il va falloir qu'il s'améliore, et au moins pour se donner aussi défensivement, parce que tu peux pas te permettre en finale NBA de autant laisser passer les mecs adverses, d'être aussi faible défensivement, tu peux pas. Ah bah c'est impossible. C'est impossible d'être un poids et d'être ciblé sur chaque action, sachant qu'en plus t'es le joueur offensif derrière qui va mener la balle et toutes les actions, tu te fatigues tellement. Ouais, absolument. Donc ouais, compliqué pour Luka. Kyrie, on en est venu. Après, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que aussi ce groupe là il a à peine 6 mois, parce qu'il s'est construit à la deadline, avec l'arrivée de Washington et Gafford notamment. On a vu dans ces playoffs l'évolution et l'éclosion d'Eric Lively, qui a été monstrueux, qui fait une campagne de playoffs majestueuse pour son année rookie, c'est incroyable. Et surtout, en fait, moi, ce qui me fait plaisir, en fait, c'est que même en te basant sur ces quelques mois, et tu te dis que t'as réussi à aller en finale avec un parcours de ouf, et l'année prochaine. Tout le monde est encore sous contrat, donc c'est pareil que Boston. Dallas, l'année prochaine, tout le monde est là, sauf Derrick Jones Jr. qui était titulaire cette année en playoff et en saison régulière, qui n'est pas de contrat garanti, donc il est agent libre. Est-ce que tu le re-signes ? Je pense que tu peux, mais il y a aussi un axe qui peut être intéressant pour Dallas, c'est d'aller chercher un poste 3 un peu plus tranchant, en tout cas, un peu plus élite. Ce serait vraiment non négociable pour épauler aussi Irving et Doncic. Donc on parle évidemment d'un three and D. Hein. De toute façon, c'est ce qui se fait le mieux en NBA quand t'as deux playmakers comme Luka et Kyrie, et c'est ce qu'il faut à côté. Autour de Luka, c'est clairement le meilleur profil à avoir. Dit parce que faut compenser les lacunes défensives. Et puis, avec des créateurs comme ça, quand t'as un mec qui shoot bien, qui peut se cacher dans les angles, c'est tout bénef. Donc ouais, absolument. C'est ça. Donc potentiellement c'est un axe que Dallas doit exploiter, je pense, cet été, voir qu'est-ce qu'il y a de disponible sur la free agency. Mais c'est un des axes à faire évoluer en tout cas. Parce qu'à l'intérieur, t'as tes joueurs, parce que t'as Gafford et Lively, t'as Maxi Kleber derrière. Je pense que tu es tranquille pour l'année prochaine et même l'année d'après, ils sont encore sous contrat. Je pense que c'est vraiment cet axe-là qu'il faut. Sachant que t'as certainement de la matière à échanger aussi, parce que Tim Hardaway Jr. qui prend 18 millions la saison. Marquise Morris, c'est ce qui ne doit pas être donné, j'imagine. Ça va, il a 2 millions. Ah, et c'est son frère qui est cher. Il est même vétéran. Okay. Ouais. Donc, Tim Hardaway, par exemple, c'est une monnaie d'échange. Il faut qu'il bouge. Ah oui, ça, c'est une vraie monnaie d'échange. Ouais, absolument. Par rapport à ce qu'il apporte, c'est pas normal qu'il soit payé autant. Et il faut que Dallas le trade ou trouve une solution, parce qu'il reste une année du coup l'année prochaine, et après il a plus de contrat. Il n'y a pas de team option, il n'y a pas de player option non plus, donc faut le faire dégager avant qu'il te coûte 16 millions l'année prochaine, quoi. Ouais, absolument. Voilà. Je pense qu'il va y avoir pas mal de mouvements cet été côté Dallas. Nico Harrison, il va devoir nous faire un petit peu de taf, parce qu'il y a quand même des profils à... En fait, il y a de quoi améliorer dans l'équipe. Comme on l'a dit, il y a pas mal de profils à, pourquoi pas, à virer pour aller chercher des pièces plus importantes pour davantage construire et tenter d'aller encore plus loin. Tenter d'aller chercher le titre. Ouais, carrément. Carrément, carrément. En tout cas, c'est très encourageant, la saison de Dallas. On est déçus parce que les finales n'ont pas été au goût de ce qu'on a vu au début des playoffs entre le premier tour et le deuxième tour, qui ont été incroyables de chaque côté. Et en fait, après, c'était un peu l'autoroute vers un titre qui était un peu inéluctable pour Boston. Ouais. Et donc un peu décevant, mais malgré tout, Dallas, super saison et du potentiel pour l'année prochaine, à coup sûr. Ouais, clairement. En tout cas, félicitations quand même Dallas, parce que c'est quand même bien. J'en ai pas vu beaucoup qui voyaient Dallas aller en finale, donc... Non, c'est clair. Moi, chapeau à eux. Moi le premier, hein. Je les voyais pas. Ouais, non, moi non plus. Finale de conférence peut-être, mais pas plus. Quoi. Yep. Bon, en tout cas, voilà, les playoffs sont terminés. Rémi, merci d'avoir suivi ça avec moi, parce qu'en vrai, on a charbonné quand même pour sortir une émission par semaine. À deux, c'est pas toujours simple, mais c'était kiffant. Non, c'est vrai. Ouais, c'est du boulot et tout, c'est du taf, mais ça va, on est là et... On essaie de garder le rythme. Yes, c'est parfait. Est-ce que tu as une image de ces playoffs à me ressortir, un truc qui te vient en tête, là, la première chose? Une image des playoffs dans sa globalité, tu veux dire? Ouais, dans tous les playoffs de cette année. Que je retrouve un truc qui m'a vraiment plu. Moi, c'est la série dans son ensemble entre Minnesota et Denver, qui a été incroyable. La plus belle série de ces playoffs. Ouais, il y a des chances. C'était vraiment une guerre de tranchées incroyable, la remontada de Denver, le niveau de jeu et tout, c'était juste trop beau, c'était génial. Ouais, c'est vrai. Une des plus belles séries de playoffs que j'ai vues depuis longtemps, je pense. La finale avant l'heure, comme on dit. Ouais, exactement, tout à fait. En fait, le niveau de jeu de cette série, c'était clairement le niveau de jeu d'une finale. Guerre de tranchées, tu vas chercher les mecs au mental, à la tactique et tout. Et voilà. Yes, j'aime bien. Moi, je vais retenir... Je vais faire mon fanboy, mais le premier tour entre les Sixers et New York, en vrai, c'était une belle confrontation pour un premier tour. Très belle série aussi, ouais. Et surtout, Tyrese, tu m'as régalé, mec. Continue comme ça. Donc voilà, on va clôturer comme ça, mon Rémi, ça te va? Ou t'as autre chose à ajouter? Bah moi, c'est bon pour moi. Allez, parfait. Félicitations à Boston. Bravo, Boston. Vive les Verts. Vive les Verts. C'est ainsi que se termine cette émission, on espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter @WakeUpNBA. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Vive le basket, vive la NBA, bravo Boston, ciao. Bravo Boston.